Ok, dimanche Silco, Orinica Bedo, studio du Bled Production. Si dans ma main j'ai un silencieux, je suis pas un singe, t'envoie dans les cieux. Fais pas le malin, baisse les yeux. Je suis toujours chaud au studio. Qu'est-ce ton flow, alcool, bédo, MC, fais pas ton escroc. Orinica Bedo, bienvenue dans notre vaisseau. On est tout à réseau, chargé au fusil d'assaut. Bienvenue chez moi, où ça fume et ça deal. T'arriveras jamais à nous arriver à la cheville. Joue pas ton cas, il m'en rave, c'est de là. Si des fois que tu l'assumes, tu veux que là je t'allume. Comme un spiff que je fume, comme une meuf que j'encule. Comme un flic qui circule dans la rue. Beaucoup de pucelles, mais qui aiment bien la sucelle. Mais y'a rien de suspect, j'ai peut-être pas que sucer, mais mon race c'est du sucré qui te fait hurler, ça te fait souffrir. Désolé là avec ta joie, c'est moisir. Ici personne ne parle, wesh. Dans les rues y'a des pédias, alors fais gaffe à tes fesses. Il faut s'y mettre à fond, le rap c'est mon terrain, alors je mets les crampons. Écoute bien ce flow, oui c'est moi Silco. Ce son vient du studio, on fume le chic comme en Jamaïque. Alors ne sois pas en panique, agent c'est putain de raciste. Après réflexion faite, ça veut se mettre au rap, après ça redevient des putains de fascistes. Pas comme ces Kairos qui se la ramènent devant moi, si ça continue moi je vais les péter. Comme une bague en fer, la cette gecko et sa chevalière. Je suis un rappeur trop fier, car ici c'est CV, toujours là pour te niquer. Oui c'est ma street, c'est B, c'est ma clique, mais t'inquiète, on te nique. Et ouais, c'est Silco et tu m'as dit.